cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Intahina wa lillahi alhamd. Min al-muqaddimah. مقدمة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي مقدمة طيبة نافعة مختصرة بين فيها رحمه الله أهمية التوحيد وخطورة الشرك بالله عز وجل، واستدل بآية. ما هي في المقدمة؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قبل هذه: نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما معنى هذه الآية؟ Le sens de قول الله عز وجل إلا ليعبدون عندك؟ يوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: إلا ليعبدون أي يوحدون. لأن une personne elle peut adorer Allah سبحانه وتعالى ولا يوحد ويشرك معه غيره عز وجل. فالعبادة هنا المراد أي التوحيد. À chaque fois que vous avez العبادة في القرآن الكريم أي الأمر بالعبادة، أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالعبادة هو التوحيد، لأن لا تصح العبادة إلا بالتوحيد. ما الدليل على هذا؟ في المقدمة إلى ستي الدليل. أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد أي في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى مي عز وجل أن قاعد كنت خش الشرك، أي celui qui meurt على الشرك الأكبر الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. Donc tu comprends que le but c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى seul et de s'écarter من الشرك بالله عز وجل. Et ça c'est ملة من؟ ملة إبراهيم عليه السلام، كما il a cité شيخ الإسلام dans cette مقدمة. C'est quoi ملة إبراهيم؟ الحنيفية. Et c'est quoi الحنيفية؟ Et c'est quoi التوحيد؟ أحسنتم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. C'est ça دين إبراهيم. Et c'est ça دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى سيتي ست مقدمة أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما نأكسبليكي أبعاما. إلى سيتي أن أكزامبل سيكوى المثال كلا سيتي رحمه الله عندك؟ أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم. Et après c'est quoi la comparaison entre الصلاة الطهارة et التوحيد et la condition du tawhid? Si on annule al-tahara, par le hadathi, le shirk il annule al-ibada. Ahsant. Kama anna al-tahara, awalan, c'est une condition pour salat. Al-tawhid, c'est une condition pour al-ibada. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlissina lahu ad-din. Donc, charto, al-ibada, c'est le tawhid, pour qu'elle soit acceptée. Bien sûr, avec une deuxième condition, mutaba'at al-Nabi alayhi salatu wasalam. Al-salat, kadhalik, elle a des conditions. Parmi ces conditions, al-tahara. Cette condition, al-tahara pour salat, al-tawhid pour l'ibada, cette condition, elle a des nawaqid, des annulatifs. Et des choses qui peuvent annuler cette condition. Donc, en tant que musulman, tu dois faire des efforts pour accomplir, pour haqq cette condition, que ce soit fait salat al-tahara, que ce soit fait al-ibadah, globalement al-tawhid, et tu dois faire attention de ne pas annuler cette ibadah. Lorsque si elle est annulée, elle est d'aucune utilité. Thumma, il a cité cet exemple, n'am, fa-tahara, elle est annulée par al-hadath. Une personne, si elle fait ses besoins, elle a annulé al-tahara. Et elle est obligée de refaire cette tahara pour faire le salat. Et le salat n'est pas accepté tant qu'il n'a pas refait الوضوء لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور. هكذا التوحيد il est annulé par des choses et parmi ces choses الشرك بالله. C'est ce point que Cheikh al-Islam il a démontré dans cette muqaddimah et c'est un point important. Il te démontre أن دعوة الأنبياء et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a tous créés que pour le tawhid. ثم il te met en garde, fais attention, ce tawhid cette ni'ma azima دين الله subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'il annule. Et il va te démontrer en détail un avec quatre règles qui sont liées au tawhid et au shirk. Et aujourd'hui, bi'idnillah, Azza wa Jal, naqra al-qa'idata al-uhla. Wabillahi al-tawfiq. Qala Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu al-uhla. La première règle. An ta'lam, anna al-kuffara, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Cette règle, elle est muhimma. Et Cheikh al-Islam, il te démontre dans cette règle, avec ce verset du Coran qu'il a cité, l'explication et le sens du tawhid. Et il différencie, rahmatullah alayh, entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibad. Kuffar Quraysh, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qatalahum. Que ce soit fi Ghazwat Badr ou Uhud, etc. Ha'oula, kanu muqirrina bi anna Allah huwa al-khaliq, al-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit. Ha'oula, ils reconnaissaient anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et ils reconnaissaient hada tawhid. Kama qala azza wa jal, qul man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard. Donc, ils reconnaissaient hada. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَفْصَارِ أي qui c'est qui a créé ces choses السَّمْعَ وَالْأَفْصَارِ il les donne à qui il veut سبحانه c'est lui qui رزق qui il veut عز وجل وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ c'est lui qui donne la vie وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ c'est lui qui donne la mort وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ أي qui gère tout سبحانه وتعالى فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ ils diront Allah donc ils ont reconnu هذا. Allah subhanahu wa ta'ala قال فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Malgré cela, comme il va nous démontrer Cheikh Zayd rahmatullah alayh, malgré cela, ce n'est pas des musulmans. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala قال فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Malgré cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il gère tout, il donne à qui il veut, سُبْحَانَ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Et on va voir que taqwa huna c'est l'ibada. Donc ils ont reconnu al-rububiyya, lakin ils ont fait du shirk. En tant que musulman, tu dois reconnaître la différence. Comme a dit le Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahmatullah alayh, wa juhal al-muslimin, al-yawm, yahsabuna anna hadha at-tawhid yakfi. Juhal al-muslimin, celui qui n'a pas étudié ce genre de règles, qui ne comprend pas le Coran al-Karim, il le lit, faqat. Fahada, il peut penser, et kathir min al-nas, il pense, hadha, anna. هذا التوحيد يكفي أي reconnaître الله سبحانه وتعالى comme créateur. وبعضهم ils sont هكذا. Te dis c'est un croyant. Quand tu lui démontres أنه il adore pas Allah سبحانه وتعالى أو il a annulé cette adoration avec un annulatif shirk ou autre. بعضهم لا يفهم. Et il te dit لكن il croit en Allah. Il sait que c'est Allah qui l'a créé. قال شيخ ابن باز وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي وهذا من الجهل. إذ صار المشركون أعلم منهم لأن حتى المشرك يغكون هذا. C'est quoi la différence الآن entre ce kafir مشرك que le Nabi صلى الله عليه وسلم a combattu أنه يغكون أن الله celui qui donne le risque, celui qui donne la vie, la mort, etc. Et la différence avec cette personne aujourd'hui qui croit en cette chose. Et les deux, ils n'adorent pas Allah ou ils ont adoré Allah et ils ont annulé avec du shirk. Il n'y a aucune différence. بل المشرك ربما il est أعلم لأنه il sait la différence. C'est pour ça que كفار قريش ils ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, لكن ils ont pas voulu وحد الله سبحانه وتعالى في العبادة وكفروا بوضوح. C'est pour ça qu'ils ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc Kuffar Quraysh, ils ont refusé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et pour eux c'était quelque chose d'étonnant. Comment on va délaisser l'adoration de toutes nos idoles alors que nos ancêtres ils les adoraient pour suivre cet homme qui nous dit d'adorer Allah seul? Donc ils ont refusé bi'ilm wa inad. Ils savaient, et ce qui les a poussés à refuser c'est le kibr wa l'inad. Juhal al-muslimin al-yawm, certains parmi les musulmans اليوم بسبب جهله il comprend plus ces différences. فلهذا يركون الله سبحانه وتعالى comme créateur bien sûr, لكن ربما il fait du shirk في العبادة وهو لا يفهم, il comprend plus le فرق. C'est pour ça qu'il comprend pas pourquoi des imams de la sunna que شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ils ont combattu le shirk et ils ont montré l'égarement de mushrikoun même si ces derniers ils se prétendent être musulmans. لا يفهمون, ils comprennent plus. حتى بعضهم ربما يقول pourquoi ils kafferent les musulmans, pourquoi ils disent qu'ils font du shirk, le shirk c'était avant. ولا يفهم لأن المسكين il fait plus la différence entre الربوبية والألوهية. فشيخ الإسلام في هذه القاعدة النافعة il te montre هذا. قال الشيخ ابن باز بعد هذا فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي فإن ذلك لا يكفي. Ça suffit pas. لأن من تأمل في القرآن الكريم إبليس lui-même reconnaît هذا. قصته مع آدم الله سبحانه وتعالى il a cité plusieurs fois في القرآن لما أمره بالسجود وأبى حجة إبليس c'était أنه il est meilleur que آدم. Pourquoi il s'est senti meilleur que آدم؟ لأن الله سبحانه وتعالى il l'a créé من نار et آدم il a été créé من طين. فلهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قوله خلقتني من نار il reconnaît que Allah il l'a créé. Iblis il a jamais prétendu avoir été créé seul ou autre qu'Allah il l'a créé. أبدا. Il sait que c'est Allah qui l'a créé. بل il l'a dit بوضوح خلقتني. لكن كفر بسبب الكبر. Comme Quraysh, ils ont reconnu Allah comme créateur وكفروا بسبب العناد والكبر. Ils n'ont pas voulu suivre هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ بن باز فإن ذلك لا يكفي فالمشركون أقروا بذلك. Donc en tant que musulman أنت et tu veux appliquer قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا il faut savoir qu'il y a une différence entre الربوبية والألوهية. توحيد الربوبية c'est reconnaître Allah سبحانه وتعالى comme رب. توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله أي في أفعال الله أي أن الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut, il gère tout, il donne la vie, il donne la mort, il guide, il égare, c'est lui qui donne le rizq. هذا c'est توحيد الربوبية et هذا il est واجب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال فلا ريب أنه من التوحيد الواجب. يا أوكان دوت أن من التوحيد الواجب الإقرار بأن الخالق أو بأن خالق العالم واحد أي celui qui a créé ce monde, cet univers il est واحد, c'est Allah سبحانه وتعالى. Et ça c'est un tambih ou c'est un kalam طيب لأن بعض الجهال quand ils entendent أهل السنة faire la différence entre الربوبية et الألوهية كأنهم ils pensent qu'on renie الربوبية. لا, توحيد الربوبية c'est un توحيد واجب, reconnaître Allah comme créateur. Celui qui ne reconnaît pas Allah comme créateur c'est un kafir. Et qui unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala fi af'alih, ay tawhid rububiyyah, c'est un kafir, un mujrim, un mulhid. Lakin, comme a dit Cheikh Ibn Baz, la yakfi. On n'a pas le droit de prendre une partie. Est-ce qu'on accepterait d'un musulman qui fasse, mathalan, ad-duhur en deux rak'a, il le fait pas en quatre, et il dit, alhamdulillah, moi j'ai fait une partie. Là, c'est une ibad en quatre rak'a, on est obligé de faire les quatre. Est-ce qu'on accepterait d'un musulman qui fait que la moitié du Hajj, il fait le début du Hajj et il ne va pas à Arafah, معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه, on n'accepterait pas هذا. Pourquoi في هذا الباب وبعض الناس وبعض الجهال ils ont pris ce qui les arrangeait فقط. أنه il reconnaît Allah et c'est tout, c'est un muslim. C'est pas nous qui choisissons est-ce que on est muslim ام لا. La, le muslim c'est celui qui استسلم لله عز وجل. C'est pas nous qui choisissons. La, c'est muhim. Enfin, en tant que musulman, tu dois regarder dans les textes, kitab wa sunnah, c'est quoi qui fait de toi un musulman? C'est quoi qui fait que tu n'es plus un musulman? Et tu fais des efforts pour être un musulman et tu prends garde de ne pas sortir de ce islam. Tout ça avec les textes, pas avec ce que tu choisis toi. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Fais attention à l'hawa. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ هَذَا لَكِنْ هُوَ بَعْضُ الْوَاجِبِ. هَذَا التَّوْحِيدُ, توحيد ربوبية, c'est une partie du wajib. Comme le salat. Le salat a plusieurs piliers, plusieurs obligations. مثلاً, لو واحد في الصلاة, il fait tout et il récite pas le Fatiha. Volontairement. Il récite pas, il veut pas. On lui explique, il dit là, Anna, je fais tout sauf le Fatiha. Sa salat, elle est bâtée là. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهكذا هذا. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que Rabb, en tant que créateur, etc. Lakin, il ne veut pas l'unifier fil ibad. كما فعلت قريش. هذا c'est un kafir مجرم. C'est ça, القول الصحيح في هذه المسألة. ثم, شيخ الإسلام, il a un kalam طيب, لكن ما ذكرناه إن شاء الله يكفي في هذا الباب. قال الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه. Donc on a donné un aperçu global de l'Qa'ida. الآن on lit كلام شيخ زيد, il va détailler les points qu'on a cités. قال رحمه الله استدل المصنف بقول الله عز وجل أو هذا انتهينا منه. قال وبيان هذه القاعدة هو أن الإقرار بتوحيد الربوبية بدون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يدخل في الإسلام. C'est ça l'explication de cette règle globalement. أن reconnaître Allah en tant que Rabb sans l'unifier dans l'adoration ou dans ses noms et ses attributs, ça fait pas de cette personne un musulman. Et on doit récapituler l'un, c'est quoi tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Fa'indaman, qui c'est qui peut nous expliquer en une phrase ma'na tawhid al-rububiyya wa taqaddam ma'na. Qu'est-ce que vous comprenez quand vous entendez tawhid al-rububiyya? Aindak? Si tu peux en arabe, en arabe. Et si tu peux pas en français. نعم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه هو الرزاق. طيب, ça c'est des exemples. الآن t'as compris quoi? Là on peut continuer. أن الله c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Tout ça بمعنى ماذا؟ نعم créateur. لكن c'est un مثال هذا. C'est le créateur, c'est lui qui guide, c'est lui qui donne. لكن en une phrase, tout ça, c'est quoi? Allah, il donne, il crée, il guide, il égare, il élève, il rabaisse. Tout ça, c'est quoi? C'est des af'al. C'est des af'al. Et c'est des actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa anta, tu unifies Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses af'al. Et tout ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait, tu l'unifies fi had. Il est unique fi had. Et c'est lui qui crée, c'est lui qui donne, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle tawhid al-rububiyya. Ifradullahi azza wa jal fi af'alih. Kama a'arrafahu ba'd al-ulama. Et ba'd al-ulama, ils disent ifradullahi azza wa jal bil khalq wal mulk wal tadbir. C'est la même chose. Lakin le premier ta'rif, il est a'am. Les gens englobent af'alullahi azza wa jal. Ça c'est tawhid al-rububiyya. Tawhid al-uluhiyya al-an. Indaban. Ça va être la même chose. Tu peux citer des exemples. Faddal. نعم كيس كلاسة صلاة ست عبادة أي صدوى اتخكو بو الله سبحانه وتعالى يوم بسي دي بلان دكزام الصلاة الزكاة الحج الصيام إلى آخره توت العبادات en une phrase on peut résumer le premier c'est إفراد الله عز وجل في أفعاله أي في أفعال الله ça c'est الربوبية الألوهية إفراد الله نعم إفراد الله عز وجل في العبادة إفراد الله عز وجل في أفعالك dans tes œuvres à toi. Le premier est unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait lui عز وجل. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui crée, c'est lui qui gère. Le deuxième tawhid al-uluhiyya, le fi'l c'est toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour ça. Et avec ces deux tarifs, tu comprends bien la différence. L'Ana al-Rububiyya, c'est min af'al Allah Azza wa Jal. Allah, il fait ce qu'il veut. Tu l'unifies. C'est une croyance. Le deuxième, c'est une croyance et des actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour cette croyance et pour ces actes. Al-Iman qawlun, al-shahada, et tout ce qui vient après, min al-dhikr wa qira'at al-Qur'an, etc. Wa i'tiqad, i'tiqad en Allah c'est le khaliq, i'tiqad en Allah c'est lui qui mérite l'adoration, et toute l'aqidah qu'on a étudiée, walillahi alhamd, et al-asma wa sifat. Tu reconnais en Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs comme sayati ma'ana. Tout ça, c'est des croyances, des paroles et des actes. As-salat, as-siyam, etc. C'est ça l'iman. Et c'est dans ce point que Ba'd al-Nas, ils ont mélangé. Tu lui demandes, est-ce que salat, ça fait partie de l'islam? Il te dit, na'am. Est-ce que tu fais salat que pour Allah? Na'am. Enfin, pourquoi tu fais du shirk dans une autre ibadah? Hakad al-Juhal, il mélange. Là, tu dois reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur et tu l'unifies dans toutes les adorations, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Ay ifradullahi azza wa jal fi af'alik, dans tes œuvres à toi. Al-ibadat, tu fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a qala jalla wa ala, qul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Donc dans tout ça, tes af'al pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tushrik billah. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakada qala 'azza wa jalla, ay celui qui annule ce tawhid, il est min ahli an-nar, même s'il reconnaît le premier tawhid ar-rububiyya. Hada tawhid al-uluhiyya. Donc le premier rububiyya, tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait, al-khalq wa al-mulk wa at-tadbir, etc. Le deuxième tawhid al-uluhiyya, tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actes à toi, ta shahada, ta salat, ton siyam, zakat, al-hajj, etc. Le troisième, tawhid al-asma wa sifat, indaman. Ma ma'na tawhid al-asma wa sifat. Fi ma'da? Fi asma'ihi wa sifat. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Ces noms, ils renferment automatiquement des attributs. Et il a des attributs. Kathira wa illahi al-mathalu al-a'la. Anta, en tant que musulman, tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et tu ne peux pas le comparer aux créatures. Et tu ne peux pas lui associer fi hada. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, min sifatihi annahu ya'lam al-ghayb. Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ard al-ghayba illa Allah. Donc, anta, en tant que musulman, cette sifa, tuwahhidu Allah subhanahu wa ta'ala fiha, dans cette sifa. Et personne ne connaît al-ghayb à part Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakada, les noms et les attributs. Avec ces trois tawhid, anta en tant que musulman, tu dois avoir la conviction et bien sûr appliquer pour rapport à ces trois tawhid. C'est ça un musulman. Et c'est ça un muwahhid. Qala Cheikh Zayd, la yudkhil fil islam. Fal kuffar alladhina qatalahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina amarahu Allah bi qitalihim in lam yastajibu li da'wati al-haq كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم بأنهم تقربهم إلى الله زلفى كما قال عز وجل في هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Al-Mushrik, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ha'oula, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a fait da'wa, qulu la ilaha illallah tuflihu, ils n'ont pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Malgré leur reconnaissance, en Allah c'est lui le khaliq, al-muhyi, al-mumit. Ça nous montre, c'est pas tous ceux qui reconnaissent Allah comme créateur, comme Rabb, annahum, forcément ils l'adorent seul. C'est pour ça que Kuffar Quraysh, ils n'ont pas voulu délaisser leur divinité. Pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Indaman. Al-Kibr. Ahsan. Awulan al-Kibr. Kama fa'ala imamuhum Iblis, imam al-Kuffar. Anna kathir mimman kafar, que ce soit Iblis ou ceux qui l'ont suivi, min a'zam al-asbab, c'est le Kibr. Ils savent le haq. Mitla haoula, ils savaient très bien que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est à la haq. Annahu il est sadiq. Lakin al-kibr. Pour reconnaître que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a raison, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait pendant des années et leurs ancêtres, ils étaient à la batil. Al-kibr, ba'd al-nas, il ne peut pas accepter ça. S'il accepte, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'était pas haq. Ma'a anna tawba, il est pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace ses sayyat par des hasanat. Lakin al-kibr. Wal-iyadu billah. Parmi les raisons كذلك, عندما تفضل وجدوا اباءهم على ذلك. نعم التقليد. التقليد الاعمى والعياذ بالله. انهم vu que leurs parents ils faisaient ça, automatiquement c'est haram. Comment toutes ces personnes elles peuvent être égarées? هكذا بعض الناس يفونكسيون. Pourquoi tout le monde fait ça alors que c'est pas tout le monde? النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق. Ils savent très bien que c'est الصادق الامين. Il leur dit que c'est batil. Malgré cela, ils ne peuvent pas délaisser la voie de leurs ancêtres. فالحذر من هذا الكبر et التقليد. ثالثا نعم أنهم ils ont une شبهة. Ces trois choses c'est parmi les plus grandes causes d'égarement. الكبر والتقليد et الجهل. Et pas de علم ou un manque de علم ou des شبهة. Et c'est lié. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Leur nia, leur intention, c'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils insultaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ou là, ils avaient des shubhas. Lakin, cette shubha, ça a été la cause de leur perdition. L'imada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré, annahu sabatil. Si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, adore Allah seul et suis son messager. C'est la seule voie. T'as pas d'autre voie. Hum, ils ont voulu prendre un autre chemin. Hey, on va demander à ces idoles et ces idoles elles vont nous rapprocher d'Allah. Ça c'est aynu shirk. Limada li anna cette demande aux idoles, ce rapprochement à cette statue, c'est du shirk. T'as adoré autre qu'Allah. Falihada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc antal an, cette époque où tu vis, ba'd an-nas, ils ont les mêmes choubah. Anna, pourquoi tu égorges pour cette tombe? Pourquoi tu fais un nadr pour ce mort, un vœu? Pourquoi tu fais le tawaf autour de sa tombe? Pourquoi tu lui demandes? Huwa, il te dit, qu'est-ce qu'il va te dire? Comme a bayyana Cheikh al-Islam, fait kashf al-shubuhat. Kashf al-shubuhat, c'est une risala azim. Il détaille tout ce qu'on cite là. Pourquoi? Tu vas lui dire, anta, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte pas. Il va te dire, là, ana, je sais que c'est Allah qui donne. Je sais que c'est Allah qui prend. Je sais que c'est Allah qui donne la vie, qui égare. Lakin, je demande à ce mort que pour qu'il demande pour Allah. C'est un intermédiaire. C'est exactement le shirk qu'ils ont fait kuffar Quraysh. Remplace Al-Lat wal-Uzza wa-Manat par Sidi Fulan, Sidi Fulan et Sidi Fulan. Amma, c'est le même mabda et c'est le même fikr. Et c'est le même hukm, mushrik, mushrik. On parle, nahnu, min hayth al-umum. Qala, Cheikh Zayd, kama dhammahumullahu azza wa jal bidhalika al-i'tiqad al-fasid wa huwa talabu al-shafa'a min tilka al-ma'budat fi jalb al-masalih wa daf' al-madar. Et ce point, Cheikh Zayd ne va pas le détailler avec l'adilla, il y en a sayati ma'ana fil qa'ida thaniya. Tout ce qui est en rapport avec shafa'a. Donc, on expliquera, incha'Allah, huna. Thumma qal, wa alayhi, fa man aqarra bi tawhid al-rububiyya, wa lam ya'tarif, wa ya'mal bi tawhid al-uluhiyya, wa l'asma wa s-sifat, lam yakun musliman. Et c'est ça l'important dans cette qa'ida. Anna, pour devenir muslim, il faut les trois tawhid. Amma, reconnaître Allah comme créateur et ne pas l'adorer seul, ça ne fait pas de cette personne un musulman. Pourquoi? Liana min arkan al-islam, le premier rock, le premier pilier, al-shahada. Et c'est pour ça que c'est très grave d'expliquer shahada par tawhid al-rububiyya faqat. Liana ba'duhum, il l'explique par tawhid al-rububiyya, et ka'anna tawhid al-rububiyya yakfi. Tu témoignes la ilaha illallah, c'est quoi le ma'na? Que Allah c'est le seul créateur. Là, pourquoi c'est ba'til hada? Par rapport à ce qu'on a cité sur Kuffar Quraysh. Est-ce que Kuffar Quraysh, ils ont accepté de dire la ilaha illallah? Hein? La. Est-ce qu'ils ont reconnu Tawhid al-Rububiyya? Na'am. Donc, si la ilaha illallah, al-ma'na, ça aurait été Tawhid al-Rububiyya, ils auraient accepté. Lakin, Kuffar Quraysh, ils ont compris. On a cité le verset. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, dites la ilaha illallah, ils ont répondu, ma'da, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Ils ont compris quoi, min la ilaha illallah? Qu'il fallait faire quoi? Toutes les divinités. Et c'est exactement ça, la ilaha illallah. La ilaha, tu délaisses toutes les divinités. Illallah, t'adore Allah seul. Kafir Quraysh, il a compris ça. Pourquoi? Parce que Kuffar Quraysh, il comprenait la langue arabe. Il sait c'est quoi l'ilaha. L'ilaha, il sait que ça vient de l'uluhiyya. Il sait que ça vient de l'ibad. Donc, automatiquement, Kafir Quraysh, il a compris qu'il doit tout délaisser. C'est comme si on disait à une personne, un qui adore les tombes, on lui dit, Qaddar Matalan, il ne connaît pas la ilaha illallah. Il n'a jamais entendu parler. On lui dit, si tu veux être un musulman, tu dois dire la ilaha illallah, bien sûr avec une croyance, et l'appliquer. S'il comprend l'arabe, automatiquement, il faut qu'il délaisse les tombes qu'il adore. Et il ne place plus sa croyance dans les morts, etc. Lakin l'an, mushkila, il y a un problème, il y a un dhaif dans la langue. La ilaha illallah, il ne sait pas c'est quoi le ma'na. C'est pour ça que ha'oula qui adore les tombes, ba'duhum ta'lamoun annahu yafittawaf autour de la tombe et dit la ilaha illallah. Il l'a dit 1000 fois, il l'a dit 10 000 fois. Ma'a annahu, il dit une chose, il l'a contredit en la disant. Al-jahl. Wal-ayyadu billah. Kuffar Quraysh, ils ont compris le ma'na. Ils ont compris le ma'na que le fait de dire la ilaha illallah, tu n'as plus le droit d'adorer autre qu'Allah. Donc, la ilaha illallah, l'explication, ce n'est pas tawhid al-rububiyya, là. L'explication, c'est tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Ma'a annahu, tu es obligé d'avoir rububiyya. Tu es obligé de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. Lakin, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi à Kuffar Quraysh et ça ne suffira jamais. Ça va être obligé d'adorer Allah seul. Qala Cheikh Zayd, wa min huna. فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح. التلازم c'est le lien. Le lien entre les trois tawhid il est clair. T'es obligé d'avoir les trois. وذلك أن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أي celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide. Ça implique qu'il adore ce créateur. كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Si tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme Rabb, ça implique que tu l'adores. Celui qui a tout créé, celui qui donne la vie, la mort, il guide, tu es obligé de l'adorer, d'être reconnaissant. Et t'écarter de ce qu'il a interdit. Tu le reconnais en tant que créateur. Parmi ces créatures, النار. Qui c'est qui a créé le Jannah ou le Nar? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le reconnais en tant que créateur, ça fait tout pour rentrer fil Jannah et t'écarter de le Nar. Et la route pour le Jannah, c'est le Tawhid. Et la plus grande cause pour le Nar, c'est le Shirk. Donc, il y a un lien. قَالَ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ لَزِمَهُ شَرْعًا وَعَقْلًا أَنْ يُفْرِدَهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَى. Et il va citer les preuves. عَقْلًا, la raison, il va expliquer. Et il va citer les preuves شَرْعًا, du Coran et de la Sunna qui te montre que tu dois adorer Allah seul. Wa anna tawhid al-uluhiyya yatadamman tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya yastalzim tawhid al-uluhiyya. Al-rububiyya ça implique que tu adores Allah seul. Wa anna tawhid al-uluhiyya yatadamman tawhid al-rububiyya. Tawhid al-uluhiyya, si tu le reconnais, automatiquement tu as reconnu qu'Allah c'est le créateur. Pourquoi? Parce que tu adores le créateur. Donc c'est lié. قال بمعنى أن من أفرض الله بالعبادة دخل في ضمن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله وحده وحده الاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء. Celui qui adore Allah seul, عز وجل, c'est automatiquement qu'il l'a reconnu comme créateur. Donc tawhid al-uluhiyya, ça englobe, et si tu l'as reconnu, ça implique automatiquement que tu sais que Allah c'est le créateur. Amma, celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala seul, ça doit impliquer qu'il l'adore. Lakin, qu'a-t-il, mes nannas, ils ont reconnu Allah azza wa jal comme créateur, et ils l'adorent pas. Ou ils l'adorent, ils font du shirk. Ils associent des idoles à Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي مشى عليه سلفنا الصالح في باب الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كذلك ça va impliquer que ce Rabb que tu adores, forcément il a des noms et des attributs. Il y a une chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'attribut, c'est l'Adam. C'est quelque chose qui n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'un, on l'adore et on sait que c'est le créateur et on sait qu'il nous voit, on sait qu'il nous entend, on sait qu'il a de la qudra. Il fait ce qu'il veut, parce que c'est le créateur. Donc tout ça, vous avez remarqué qu'il y a un lien entre les trois tawhid. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le ghaib. Il connaît tout, il connaît l'invisible. Donc les trois tawhid, ils sont liés. قال شيخ زيد وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة فقد أورد المؤلف من الأدلة القرآنية قول الله عز وجل. Et ça c'est important. أن ce genre de règles qu'il a cité chez l'Islam, que ce soit في التوحيد أو autre, t'es obligé de les appuyer avec un dalil. Et معلوم أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعتني بالأدلة dans ses livres. بل la plupart de ses livres, son kalam, il est قليل هو. Il te cite un bab, comme في كتاب التوحيد أو quelques mots comme في الأصول الثلاثة أو القاعدة الأربعة أو الأصول الستة أو نواقض الإسلام. Et il cite toujours الدليل من الكتاب أو من السنة أو les deux. Et ça c'est important. لأن نحن الآن pourquoi on étudie cette risala et pourquoi on accepte ce kalam. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé لأنه il a donné de l'importance aux preuves. Et c'est pour ça que نحن الآن on lit cette risala لأن chaque règle elle est appuyée par un dalil. رحمه الله. Et هكذا نحن dès qu'on parle on doit parler avec adilla. Ne crois pas que tout ce que tu dis c'est forcément haq. Là, ça sera haq si ça appuyé par un dalil. Si ça contredit un dalil, c'est un batil. Même si tu penses que c'est haq. On doit s'habituer à hada. Et prendre exemple sur nos savants, sur nos imams. Tu cites quelque chose, cite le dalil. Tu connais pas de dalil ou tu l'as oublié, ne parle pas tant que tu ne sais pas. Là, tu vas ouvrir un bab shar, tu vas te permettre des choses, et un jour, Rabbama, tu vas dire quelque chose de très grave sans dalil. Toujours on s'habitue. T'as oublié, révise. T'es pas obligé de parler tout de suite. Même si tu vois mon corps, tu sais pas. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. Tu révises et après, tu conseilles, tu montres. بِعِلْمِ. قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد. هكذا قال شيخ زيد. فسيقولون الله c'est ça ce qui est lié avec la qaïda dans ce verset là. أي ils diront Allah. Ils ont reconnu Allah comme quoi? Comme créateur. Donc ils ont reconnu توحيد الربوبية. قال وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث والغيث أي la pluie. ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر. أقر بذلك. الإقرار c'est reconnaître. ومع ذلك هم يشركون معه غيره. وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. كما قال عز وجل dans un autre verset وما يؤمن أكثرهم بالله illa wa hum mushrikun. كثير من العلماء ils ont expliqué ce verset wa ma yu'minu aktharuhum billah, et la plupart d'entre eux ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça c'est des mushriks. كثير من العلماء ils ont expliqué ce verset انهم ils ont une croyance fi rububiyya et ils font du shirk fi al-uluhiyya. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Ils croient en Allah, ils sont des mushriks. Ay croyance fi rububiyya et ils font du shirk fi al-ibada, comme c'était le cas de Kuffar Quraysh. قال شيخ زيد رحمه الله والدليل من السنة. Il va citer quelques preuves من السنة par rapport à cette قاعدة. ما جاء في من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة إلى غير الله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث إلى صحيح إلى صحيح مسلم. لعن الله من ذبح لغير الله. Ça montre que celui qui fait du shirk fil ibada, il est mal'oun. Même s'il reconnaît Allah en tant que Rabb. Bel, c'est grave. Si tu reconnais que Allah c'est Rabb, pourquoi tu égorges pour autre que lui? Alors que sacrifier une bête, c'est une ibada. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِيَ نُسُكْ c'est الذبح. Sacrifier. وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَ. Ce dua que هَؤُلَا الْمُشْرِكُونَ ils donnent aux morts, ils invoquent les morts. Thumma, il prétend que cette invocation, c'est pour que ce mort, il le rapproche d'Allah. Cette invocation que tu fais, tu demandes à ce mort, c'est l'ibad. Et donner une ibad à autre qu'Allah, c'est du shirk. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala directement? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il entend. Amma yujib al-muttar idha da'a. Allah il entend. Allah il te voit, Allah il sait ton hal. Demande-lui Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. T'as pas besoin de passer par un intermédiaire. بل demander à cet intermédiaire, c'est عين الشرك. قال الشيخ زيد وكما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر الشيخ الإسلام إلى ستان باب في كتاب التوحيد في هذا on avait expliqué dans les دروس de كتاب التوحيد. قال كل هذه من أنواع العبادات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Chaque عبد il doit adorer Allah سبحانه وتعالى seul. Que ce soit ces عبادات, les exemples qu'il a cité Cheikh Zayd ou autres. كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله لنبيه في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره. Ça c'est parmi les adillah. Ça serait des musulmans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les aurait jamais combattus. Na'am. Sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Sab al-muslim, c'est fusuq. C'est la perversité d'insulter ton frère. Wa qitaluhu kufr. Et le combattre, c'est du kufr. Ce n'est pas du kufr akbar. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé kufr. Donc comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si ça serait des mu'minouns, des musulmans, pourquoi il les aurait combattus? Là, ils les auraient conseillés, ils les auraient aimés, ils les auraient rapprochés. Eux-mêmes, ils auraient suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, si ils seraient à la haqq, pourquoi ils n'ont pas suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a forcément le haqq. Qala hadhihi adillatun shar'iyya. Donc, il a cité des preuves. Des adillah, qu'il faut adorer Allah seul. Des versets des hadiths pour montrer certaines ibadat. Et il a démontré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc, ça montre qu'ils étaient à la batte. Al-an, قال والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصحيح أي la raison qui est saine, elle n'a pas été perturbée, changée par البدع والخرافات والشرك. لا يخالف النقل الصحيح, ça contredit pas les textes. شيخ الإسلام il a un كتاب عظيم في هذا العقل والنقل, il a un كتاب عظيم en plusieurs volumes et il montre la relation entre la raison et les textes et il montre que ça ne se contredise pas si la raison elle est saine, si la personne elle est à l'al-fitra. قال شيخ زيد إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. Et ça tu peux voir avec n'importe qui a la raison saine. Est-ce que tu vas adorer un makhluk comme toi qui ne peut rien te donner? Est-ce que ça rentre dans la raison? Maintenant, réfléchis, médite ceux qui demandent à des morts. Ce mort, il est enterré il y a des années, probablement des siècles. Il est fêté le kalhufra. Il est dans un trou, dans sa tombe. Il ne peut rien pour lui et pour les autres. Comment tu vas lui demander de guérir ton enfant, ou de te guider, ou de te donner? Et tu délaisses Allah Azza wa Jal avec la reconnaissance que c'est le Rab. Est-ce que ça rentre dans la raison? Ils ont une choubha, ils vont dire, mais on demande pour qu'il nous rapproche d'Allah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré que ce n'était pas comme ça. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent autre qu'Allah et ils prétendent que c'est nos intermédiaires. C'est exactement ce que Kuffar Quraysh ils ont fait. Donc, délaisse tout ça, suis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, contredit pas la raison le fitra, et si tu as besoin de quelque chose demande à Allah subhanahu wa ta'ala et fais les asbab shar'iyya. Amma faire du shirk c'est pas un sabab abadan. Qala amma alladhi lam yakhluq sama'an wala ardan wala basharan wala jinnan wala shay'an min al makhluqat la yastahiq min al ibada shay'an. C'est comme si tu vas demander à un handicapé paralysé. Il ne peut rien faire, il est sur son fauteuil roulant, il ne peut pas bouger. Et tu lui demandes qu'il t'aide à porter telle chose, ou est-ce que tu vas lui demander? Il ne peut pas. Est-ce qu'une personne sensée, elle va accepter ça? Si tu lui demandes devant des personnes, un groupe de personnes sensées, ils vont te prendre toi-même pour un malade. Comment tu demandes à une personne qui ne peut pas? Comment Ha'oula, il demande à des morts, à des statues? Balarabi ba'dihim min al-safaha annahum. Ils adoraient une chose et ils la mangent. C'était waqi' à l'époque, fil jahiliya. Ils adoraient une date, thumma il a faim, il la mange et il la remplace. comment t'adores cette chose? Ça rentre pas fil aql. قال شيخ زيد فتضافرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه وعلى وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض ووفق حكمته ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله عز وجل. Donc, les preuves du Coran et de la Sunna, la raison, tout ça, ça démontre que le Créateur, il mérite l'adoration. Et Cheikhoul Islam, il te montre, elle a fait attention, Akhil Karim, de ne pas mélanger, de croire que cette croyance que Allah c'est le Créateur, ça suffit. Là, Iblis, il a reconnu. Kuffar Quraysh, ils ont reconnu. Ma'ahada, Allah subhanahu wa ta'ala, kaffarahum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc, nous, en tant que musulmans, on reconnaît Allah comme créateur. C'est lui qui donne, c'est lui qui guide, c'est lui qui gère tout. Et on l'adore, Azza wa Jal, comme à Amarana. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité dans ce verset qu'il nous a créé que pour qu'on ait cette croyance. Là, ibada. Ibada, c'est des aqwal, des a'mal et une croyance. Les trois. فَلَابُدْ مِنَ الثَّلَاثِ. Al-Khulasa. On lit كلام أبو بطين رحمة الله عليه الإمام من أئمة نجد إلى ريكابيتولي قال الإقرار بالتوحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومليكه ومدبره فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه. Cette reconnaissance, cette croyance que Allah il a tout créé, Allah il gère tout, c'est la croyance du muslim et même de certains kuffars. Et ça, c'est, comme il dit, en tant que musulman, on est obligé d'avoir cette croyance. لكن لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية الألوهية الذي دعت إليه الرسل. Ça deviendra un muslim, cette personne, elle deviendra muslima seulement si, après cette croyance, elle unifie Allah subhanahu wa ta'ala في توحيد الألوهية. C'est pour ça qu'on dit أشهد أن لا إله إلا الله pour entrer dans l'islam. Et je témoigne que personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Donc ça implique que je l'adore. Seul. قال الذي دعت إليه الرسل. نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et الشرك. Allah il envoya à chaque peuple un messager, un rasoul, un nabi pour leur démontrer qu'il faut adorer Allah seul et s'écarter du shirk. قال بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. المشركون ils ont refusé هذا. Pourquoi كفار قريش ils ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Que pour ça? Pourquoi le قوم de موسى كثير منهم ils l'ont combattu? Pour ça. Il est venu, il leur a démontré qu'ils doivent adorer Allah seul. عيسى نفس الشيء. نوح إبراهيم. Pourquoi ils l'ont jeté dans le feu? Que parce qu'il leur a démontré à ne vous adorer des choses. Ils ne parlent pas, ils ne vous voient pas, ils ne vous répondent pas. Et il leur a démontré que c'était bâtard, ils l'ont jeté dans le feu. Hakada, as-sira bayna al-anbiya wa aqwamihim, c'était par rapport à tawhid al-uluhiyya. Jamais par rapport à tawhid al-rububiyya. Qal wa bihi yatamayyaz al-muslim min al-mushrik wa ahlu al-jannah min ahli an-nar. Et c'est ça la différence entre le muslim et le mushrik. C'est tawhid al-uluhiyya. C'est ça la différence entre ahli al-jannah et ahli an-nar. Tous ceux qui rentreront fil jannah, c'est des mouahidis. Il n'y a pas de mouchrik. Wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Et tous ceux qui rentreront fil nar, ils ont eu un problème fil tawhid. Yani al mouahid forcément il va fil jannah, même s'il fait un passage iyadan billah fil nar, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera et il le fera rentrer fil jannah li'annahu c'est un mouahid. C'est ça notre din, c'est ça le principal fondement de notre din. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في تحقيق هذا الباب العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. Le prochain درس révisé, on révisera ensemble cette قاعده نافعه et on passera ان شاء الله تعالى à la deuxième règle فيما يتعلق بالشفاعه. La deuxième règle est importante, لأنها il va citer la shubha. La première règle elle a montré la différence entre Rububiyya et l'Uluhiyya et que tu es obligé d'avoir l'Uluhiyya. La deuxième règle, il va citer pourquoi. Et pourquoi ils ont adoré autre qu'Allah et les ambiguïtés qu'ils ont. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني tu vas poser la question الآن والله الحمد dans l'explication on a cité هذا. Une personne elle peut se poser la question, mais pourquoi s'ils ont reconnu Allah Azza wa Jalla comme créateur, pourquoi ils ont adoré autre? Et Cheikh al-Islam dans la deuxième règle, il va te démontrer هذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.